archivage parce que toi, tu es content d'avoir de faire des podcasts après. Et tu vas envoyer tout de suite. J'ai un blog maintenant. T'as un blog. Mmh. Putain, t'es bien. Tu sais que t'es un mec moderne, toi, finalement, sous tes airs de mec complètement révolu. C'est bon d'être révolu. Vive la révolu. Vive la révolu. Voilà. Donc maintenant c'est bon, tu peux envoyer quand camarade, tu veux. La révolu tout de suite. Alors moi je vais couper franc terme avec tout ceci en envoyant un morceau sans même avoir présentation et parler français. J'ai pas compris ce que tu viens de dire. J'ai coupé court à tout, en commençant par le groupe Anus qui chante Coin Coin. Sur chaque morceau que je passerai ce soir, tu pourras évidemment danser. Là, tu peux danser hein, comme un canard en faisant quoi quoi. Et il y a le canard, il s'est fait tirer dessus là, il vit ses derniers moments. Et il a plus qu'un demi-œil. Tu savais qu'il y avait un groupe français qui s'appelait Anus ? Non, mais je suis ravi de le savoir. Écoute, ça me fait plaisir parce que je pense que je ne vais pas changer du tout et je vais bien dormir ce soir en pensant qu'il y a un groupe qui s'appelait Anus. Voilà, mais Anus, de la même façon qu'on écrit Anus ou c'est pas du tout antique, non, c'est moderne. C'est moderne, c'est-à-dire que c'est Anus, c'est pas Anus Horribilis, hein, c'est bien Anus. Ah ouais, non, il n'y a aucune référence. D'accord. Même s'il porte des casques romains sur la pochette. Hey, ce soir, t'es très beau, je trouve. Hein. Ouais, ben c'est parce que j'ai dû me remettre beaucoup en question, je pense, aujourd'hui sur le sens de l'existence, peut-être. Ah, pourquoi ? Je sais pas, il y a des jours comme ça. Ça doit être le mardi, peut-être. Et tu as rencontré Jean-Paul Starr aujourd'hui ou pas ? Jean-Paul Starr, il est toujours là où on l'attend pas et à mon avis, il va venir ce soir un petit peu. Il sera sûrement là au moment où on l'attendra pas. Voilà, on va faire. Jean-Paul Starr nous viendra nous délecter de 2-3 bribes de ses pensées, bien sûr. Hein. Ouais, ça permet toujours de ravir le cerveau et de l'illuminer un petit peu. Non, mais je vais pas dire que des trucs débiles hein, ce soir. Ah, tu vas dire que des trucs intelligents pour changer. Tout à ta fait. Ouais, tout à ta fait. On remercie Thomas qui va récupérer son iPod. Qu'est-ce qu'il a une belle voix. Alors, moi ou Thomas ? Pour ceux qui disent que Thomas a une plus belle voix que Michel, à trois, faites. Ouais ! Ouais ! Un, deux, trois. Et personne. Ah bon, c'est moi. Non, attention, on a peut-être un mail là qui répond à ça. Non, pas du tout. En tout cas, il y a bien sûr toujours le mail sélectionmusique@orange.fr, sélectionmusique en un seul mot avec un C à la fin, @orange.fr, où vous pouvez nous écrire et réagir bien sûr à ce que balance Michel, à ce que balançait tout à l'heure Toto. Voilà, enfin bon, c'est vraiment interactif. Hein. C'est maintenant la radio interactive qui existe, hein, ouais, bien sûr. Ouais. Alors celui-là, je suis bien certain de ce c'est moi le seul à l'avoir. Ouais. C'est Burt Blanca. Alors ouais. Burt Blanca, c'est le Elvis belge. Déjà, on n'est pas dans la déjà, il s'appelle Burt Blanca. On n'est pas dans c'est la pas un réalisateur de films pornographiques, non, c'est un chanteur de rock. Et son petit succès dans les années 60, il chantait un truc qui s'appelait Le Temps des Vacances. Moi, c'est ce que j'aime voilà, le temps des vacances, voilà, le temps des vacances, voilà. Ben, j'espère qu'il n'a pas chanté ça comme ça, parce que franchement, ça ne serait pas sorti. Ah, c'était la mode, mais ça revient d'ailleurs en ce moment, les garçons qui chantent aigus. Ah d'accord. En tout cas, moi, sachez une seule chose, c'est que je suis ravi d'avoir Michel, parce qu'à chaque fois, il nous sort des trucs de derrière le fagot qui sont assez hallucinantes. Alors oui. Écoutez jusqu'au bout, parce que je pense que vous allez avoir des bonnes surprises. Ah oui, jusqu'au bout, ça sera n'importe quoi. Voilà. Alors, le deuxième morceau, donc, c'est celui que je prépare de Burt Blanca, le Elvis belge. Tu connais Dominique Valera? Ah, très bien, voilà, c'est mon oncle. C'est ton oncle. Arrête, ce fut la fierté de tous les adolescents des années 70. C'était le champion du monde de karaté. Il était français, il s'appelait Dominique Valera. Ah oui, donc ouais, notre. Oui, anciennement. Enfin bon, bref. Alors c'est vrai qu'il y a eu Van Damme. Il y a eu Van Damme, c'est ce que je voulais dire. Je voulais c'est parler ça de Van Damme. Par rapport aux Belges. Moi, je veux manger un réglisse. Tout est connecté, hein, finalement. Le monde, il est bizarre. Voilà. Envoie-toi musique, on s'en fout de ce que tu dis. Burt Blanca, Valera, attention, ça va faire qu'il y aille mal dans tes oreilles. Ouais, bien sûr. Regarde, il s'entraîne sec. C'est le capitaine de l'équipe de France. Ses mouvements sont mesurés et en cadence. Coup de pied par-ci, coup de poing par-là. Il est grand et fort. C'est lui le roi, karatéka exceptionnel. Il peut battre tout adversaire éventuel. Valera, son coup de poing est en acier. Ne te mets pas dans son chemin, trop puissant et très malin. Valera, Dominique, Valera. Avec ses fauchages, il te balaye à moins de deux. Et lorsqu'il saute, ses pieds se tendent vers les cieux. Maito Bigeri, Yokoto Bigeri. Le maître travaille sans répit. Et lorsqu'il pousse le kiaï, ce qui l'entoure n'est que paille. Valera, son coup de poing est en acier. Valera, son coup de pied peut tout casser. Ne te mets pas dans son chemin, trop puissant et très malin. Ne te mets pas dans son chemin, trop puissant et très malin. Valera, Dominique. Valera, Dominique. Valera. C'était incroyable. Ouais, c'est bien. Vous avez aimé les solos de casse de Boubois, quand même? Moi, j'ai adoré, hein, personnellement, le Elvis belge. Ben oui, Burt Blanca, quoi. Il n'y en a qu'un, c'est lui. Et d'ailleurs, je crois que le dernier disque en possession, ouais. Est ben, moi. Et tu nous mets quoi, après? Ah bah, attends, chaque chose en sautant. T'as adoré, ça, hein? C'est bien. Tu vas voir, le prochain, c'est encore pire. Le deuxième. Il dit quoi, au moment? Il dit, je mets des coups de pied, je sais pas quoi. Son coup de poing est en acier, tout ce qui passe n'est que paille. Yes. J'ai beaucoup aimé ça. Ah bah c'est un classique de ma chambre. Hein. C'était pas, c'était déjà jamais venu dans ma chambre, c'est pour ça que tu connaissais pas, sinon mais tu non, connaissais je connais pas ta chambre. Donc comme toutes les femmes qui viennent dans ma chambre le savent, c'est un morceau qu'on met de temps en temps quoi. Toutes voilà. Les femmes pour mettre un peu une ambiance. Attention Michel Vedette, non ? Une ambiance, j'ai dit toutes les femmes, j'ai pas dit les nombreuses femmes. Toutes les femmes des fois ça peut être trois hein, à sur toutes toute les une filles vie, hein. Que j'ai aimées avant qui sont devenues femmes. Maintenant. Non mais Mato, on t'a mis une petite chaise pour que tu prennes ta place, mais faut pas non plus que tu prennes ma place. Je comprends. Alors, moi, je ne sais pas si vous connaissez le titre Popcorn, je pense que oui. Bien sûr, moi, j'adore ce titre. Bon, voilà, c'est le titre qui a révolutionné la musique électronique en 1972, évidemment. Mais peu de gens savent que la meilleure version de Popcorn, qui est, comme à cette époque-là, il y avait des tas de versions d'un même morceau, c'est celle du plus grand compositeur du easy listening allemand. Allemande, hein, on parle du Toton. J'ai nommé James Last, bien sûr. Alors l'apprenti coiffeur. Jean Dernier, hein, James Last. James Last, Jean le dernier. Jean le dernier. Ouais, c'était le dernier roi de l'easy listening allemande. Voilà. Et donc, eh ben, il a fait sa version de Popcorn. Et c'est tout simplement la meilleure version de Popcorn de tous les temps. Et ben, on écoute tout de suite. Salut Guillaume, mon petit Gayoum, je sais que tu m'écoutes là-bas à New York. Solo de Moog et de trompette, très rare. Voilà, c'était bien, Popcorn. On a des stars du rock qui viennent d'arriver dans les studios. Yeah. C'est ça, hein ? Vous êtes des stars du rock, hein ? Énorme star. Et je t'en prie, il y a un micro de libre si tu veux dire des conneries. Bonjour à tous. C'est les housses de raquettes. Bonsoir à tous, chers auditeurs du net. Il parle bien, il parle mieux que moi. Moi, j'avoue que c'est le mardi soir en fait, qu'on a choisi comme date pour Michel Vedette, et c'est peut-être finalement le moment où je devrais le moins parler à des gens. Ah oui, tiens, pendant que j'y pense, demain, je suis au showcase pour la soirée Halloween. C'est Lionel, il m'a dit de venir faire un peu le con, 10 minutes, un quart d'heure. Donc ah je vais venir à la soirée showcase demain soir, Halloween, bien sûr. Eh bien, tu auras peut-être donc la chance de me voir, vous enseigner à tous ces milliers de personnes qui seront là, une de mes fameuses chorégraphies qui s'appelle en l'occurrence le Gabba Jump. Ah, très bien, et de venir déguisé, bien sûr, hein, demain soir. Ouais, vous pouvez venir déguisé, sachant que moi, mon cours sera juste avant au Baron à 20h. Et que nous, c'est déguisé, mais c'est moche et mal habillé, plus que déguisé, en fait. C'est plus amusant, non ? Bon, arrêtez de m'appeler pendant que je suis en pleine émission. C'est dingue, ça me déconcentre. Déjà, j'ai du mal à aligner trois mots cohérents en même temps. Bon alors, puisque j'ai du mal à aligner trois mots cohérents en même temps, je vais passer directement le morceau que j'adore, que j'ai écouté lundi matin, ça m'a donné la patate. Ça s'appelle « Le fils d'Hitler ». Oui, c'est un peu provocateur comme titre. C'est les frères Jolivet, Pierre et Marc Jolivet, qui dans les années 70 avaient fait cette petite chanson rigolote. Voilà, écoutez, c'est rigolo. Il a des petits frères à Moscou, au Chili et un peu partout. On l'a trouvé dans un nid d'aigle, mais il évolue dans la pègre. Le fils d'Hitler, chez Mille Papa, n'a pas connu sa mère. Chez Mille Papa, mais ressemble à son père. Chez Mille Papa, il a son mauvais caractère. Le fils d'Hitler. Sans jamais pouvoir prendre l'air, il se déguise en politicien, mais on le traite de bon à rien. Alors il se met en fureur et rejoue les envahisseurs. Le fils d'Hitler, chez Mille Papa, n'a pas connu sa mère. Chez Mille Papa, mais ressemble à son père. Chez Mille Papa, il a son mauvais caractère. Le fils d'Hitler, chez Mille Papa, quand on le privait de dessert. Chez Mille Papa, ou de son revolver. Chez Mille Papa, de rage avalait sa croix de fer. Je veux changer d'état civil. Je veux m'appeler Churchill. Avec sa mèche un peu rebelle, on le prend pour un homosexuel. Alors il finit par se piquer pour que tout le monde le croie gamé. Le fils d'Hitler, chez Mille Papa, n'a pas connu sa mère. Chez Mille Papa, mais ressemble à son père. Chez Mille Papa, il a son mauvais caractère. Le fils d'Hitler, chez Mille Papa. Bon alors ici c'est un gros bordel parce que les housses de raquettes qui ont balancé leurs morceaux derrière là dans le fond, c'est vachement bien. Mais il s'est en exclu alors on peut pas encore le passer, c'est ça? Vous confirmez hein, les housses de raquettes, on peut pas passer vos super morceaux géniaux? Bon bah ils répondent pas, ils sont complètement à fond avec Joachim en train d'écouter leur production d'aujourd'hui j'imagine dans leur studio. C'était sympa. Bon d'accord, je suis tout seul avec les platines. Vas-y, envoie le 45 tours. Ma chanteuse favorite qui sait le mieux danser de toutes les danseuses françaises depuis que la France existe. Bah bien sûr, Guillaume, tu le sais, hein. C'est Karen Cheryl. Avec le titre le plus bat de Karen Cheryl, qui a eu trois périodes, hein, Karen Cheryl, qui a eu d'abord une période comice agricole. C'était pour la variété dans les années milieu 70. Ensuite, c'est devenu une dancing queen, c'est ce qu'on va passer maintenant, avec Sing to Mama. Et ensuite, elle a eu sa carrière de New Eve Children Girl Stars. Voilà. Ça marche ? Ça marche pas. Ça marche pas ? Ça y est, ça marche. Thank you. cette coquine de Karen Cheryl, elle a vendu genre 20 millions de disques. C'était une star. Et puis bah, aujourd'hui, ces disques sont même pas réédités en CD. Donc si on veut du Karen Cheryl, faut le vouloir quand même déjà. Et bah, on est obligé d'avoir ça dans les bacs à solde, dans les vinyles. Hein. Donc c'est tout ce que j'avais à dire pour Karen Cheryl. Arrête, je sais pas comment. Ah, voilà. Alors, je suis désolé, j'étais un peu occupé en train de parler avec des gens importants, les housses de raquettes qui sont talentueux, des gens talentueux, des gens talentueux qui sont dans le studio à l'heure actuelle. Les housses de raquettes et du coup, sont le là. Le studio est supra branché, ultra branché. C'est-à-dire qu'il y a Joachim qui est quand même super branché, Michel Monnet, bon bah qui est branché, très, branché, branché, très branché, ouais, vraiment, et les housses de raquettes qui sont le top de la branchitude. Hein, voilà, sur l'échelle de Richter, de la branchitude ouais, ils sont genre à 8. 8 Ah ouais, sur 10. Bon, on s'en fout, parce que c'est moi d'abord. J'adore From Souvenir to Souvenir de Demis Roussos. Tu le sais que j'aime cette chanson, parce que pour moi, c'est la chanson d'un gars qui est sur la plage à la tombée du soir pendant l'été et qui a son gros piano Yamaha à queue sur la plage et qui joue. Il a une grande barbe, il porte un collier en dents de requin et il interprète cette chanson et on y est quoi. Summer is back, love is here, a kiss everywhere, please love. A lonely room, yes, love. Love. Another day so hard to du sable plein les doigts, on danse autour de lui. Ouais, les filles, allumez le feu, ouais. Faites un petit feu de camp. Ouais, passe-moi le Playboy. Yann C qui fait le rédac chef du nouveau Playboy. Plus rien à voir avec Ross Mayer, hein, Playboy. Alors ils font leur bidule derrière, ils s'écoutent leur musique, ils se montrent leurs dessins et ils acclament évidemment, ils font la foule, office de foule. Bon voilà, maintenant qu'on est bien tous love, main dans la main, sueur qui s'échange, les salives suaves qui se gourdissent, on va se réveiller un petit peu sur un rythme plus disco avec le Mike Theodore Orchestra de Bull pour que les taureaux puissent aussi faire du disco. Hein. Suenen estas castañuelas. Les housses de raquettes adorent le disco. Hein. Je suis bientôt le prochain chorégraphe des housses de raquettes. Ça y est, c'est en train de se signer. Et Joachim est en train de négocier la pochette. Il va dessiner la pochette des housses de raquettes. Ça business à mort dans le studio. Ah, on entendait toutes les conneries qu'on disait, en fait, j'avais laissé le micro branché. Oui, donc ça danse, c'est un dance floor maintenant le studio. Et qui dit dance floor dit sueur, qui dit sueur dit odeur. Un petit solo de disco où on peut parler pendant là. Il se passe plus rien. C'est un peu le moment où sur le dance floor les gens se regardent. Enfin, ils se sont regardés et là ils s'approchent l'un mutuellement. Ils disent Shall I offer you a drink? Shall we mix drink? Eh bien, j'ai la chance d'avoir à côté de moi Housses de Raquettes 1. Salut. Il y a le 2 derrière moi, il faut qu'il vienne sinon ça compte pas. Ah, il a déjà dit bonjour. Bon, bah. Ouais, pas très généreux, hein, vraiment. Comme tu dis. Ah ouais, non, tu fais mieux que moi. Non, je vais faire. Mais c'est parce que vous êtes aux portes de la Rockstar Sion. Rockstar Rickman. Rickman. Pas trop, hein, non plus. On n'est pas non plus aux portes. Vous avez déjà passé le palier de la porte. On est sur le périph, là, encore. Là. Vous êtes sur le périphérique, ouais. Vous allez prendre quelle porte, d'ailleurs? Bah, on va commencer par le bas, on va commencer par Porte d'Orléans. Porte d'Orléans, c'est on va arriver à la porte de Clignancourt, à faire toute la ligne 4 en fait. Ouais, Clignancourt là c'est là que je suis moi. Hein. C'est là que je suis, hein. Je suis porte de Clignancourt. T'es porte de Clignancourt ouais, ouais, moi je suis mais tout en haut alors. Ouais, c'est que tout en haut, t'es au top. Ouais. Par contre, c'est la fin après, hein. C'est comme ça que. Donc tu meurs bientôt. Ah ouais, bah Mesrine est mort, porte de Clignancourt. Hein. Bah, après, tu peux monter, aller à l'aéroport et t'envoler vers le ciel des stars quoi. Et devenir international. T'arrives à Charles de Gaulle et c'était. International. Comme quoi, Paris est bien fait. Bah, c'est ça. Moi je suis Barbès. Ah, moi je suis Château Rouge, c'est encore mieux. T'es encore au-dessus, putain, salaud. En fait, tu es à Anvers, je suis même pas dedans. En fait. Ah, t'es à Anvers, espèce de petit bourgeois là. Ah ouais. Ouais. Avenue Truden. Ah oui, carrément. Ah, ça c'est mon rêve, hein, moi, c'est l'avenue Truden. Hein, ou l'avenue Condorcet. Ouais, en dessous là, la rue Condorcet. La rue Condorcet, tout à fait. C'est l'avenue Truden, c'est la seule avenue du 9e arrondissement, je voulais te le dire. Ah bah ouais. Il n'y a que des rues et des boulevards. T'as beau être une rockstar, t'as de la culture en Paris. Ouais, c'est pas évident de faire une émission avec oui. Michel Vedet, un homme, mais il relance pas, hein, c'est pas un journaliste. Hein. Ah bon? Non, non. En même temps, je suis pas très bon là. Ah, t'es super bon. Est-ce que t'as un gros ego comme moi? Un gros ego? Ouais. Énorme, ouais. Ouais, ouais, non, mais c'est important ça pour être une star. Ouais, alors tu sais, moi, c'est la troisième fois que je fais de la radio. Et à chaque fois que j'arrive ici, je me dis, putain, je vais être super fort, super bon. Et je me trouve, et finalement, face au micro. Je rebaisse à la baisse. Mais en fait, ça aide vachement quand il y a de la musique derrière. On a ouais, pas ça d'être, sinon, porté. Tu peux essayer de te concentrer dans ta tête et te couper du monde et devenir bon. Vas-y. Ouais, je vais essayer. Et généralement, j'y arrive pas. Alors, ce que je fais, c'est que je balance un morceau. Ah bah, je t'en prie. Ouais. Alors, tu connais Christophe? Le chanteur cheveux blancs en arrière. Ouais. Tu l'as déjà vu au Baron? Ouais. Ouais, il va au Baron. Il a tout le temps été branché, ce gars-là, ça fait 50 ans. Hein? Quoi? Bon, bah, sur la face B d'un de ses disques, hein, il parle de voitures qui font l'amour en faisant des bruits et. Et c'est vachement romantico-gothico. Bien. D'accord. Allez, c'est parti. Est-ce qu'on perd des connexions? Ah oui, dis donc, on perd beaucoup de connexions. On perd des connexions, c'est normal. Sur le bord du trottoir. Machines formes ondulées. Rêve dans un espoir noir de l'amour en acier figé. Honneur, médaille, cœur défiguré et fracas ferraille. On perd de la connexion, mais au niveau qualité, on reste au niveau là. Bon, je suis un peu parti là depuis tout à l'heure. J'aimerais bien savoir ce qui se passe sur cette antenne. Bah, ce qui se passe, c'est que tu es en train de couper l'un des trois meilleurs morceaux de Christophe. Non, qu'il n'ait jamais fait. Alors, c'était Christophe sur mon antenne, sur ma radio. Ça vient de commencer. Voilà, alors Michel Vedette, t'es en. Ah, pardon. Non, mais. Ah, ça, on va couper ça. Bon, on coupe tout de suite. Michel Vedette est à l'antenne encore pendant un quart d'heure, parce que c'est son émission. C'est la belle émission Michel Vedette passe ses galettes. On est ravis de l'avoir ce soir à l'antenne. Michel, tu nous gâtes. C'est cadeau ce soir, j'ai envie de dire. Tout est cadeau. Tout ce que tu nous envoies, c'est cadeau. Là, on vient d'écouter Christophe. Ah, t'as envie de parler, mais t'arrives pas à parler. Vas-y, coupez la parole. C'était Christophe, hein, c'était magnifique. Cœur défiguré. Introuvable, bien sûr. Tu viens de me dire que c'était un des trois meilleurs titres de Christophe. Je trouve que tu exagères. Non, avec Les mots bleus et Petite fille du soleil. Et Holidays, on fait quoi? Holidays? Ouais, Holidays. Holidays. C'est Paul Naref, ça, en fait. Ah, pardon, oui, tu as raison. En fait. Putain, je viens de me faire moucher à l'antenne, carrément. C'était Paul Naref. Mais à force de croire que le rock, c'est plus sûr que la variété française. Et voilà. Et je suis mouché en direct c'est live. C'est faiblard sur la variété française. Bah, c'est ça. Je suis désolé à tous les auditeurs qui ont cru que j'avais un minimum de culture musicale et de. Bon, d'accord. Est-ce que tu t'y connais en Michel? En Michel Vedette? Non, en Michel. En Michel, non. Bah, faut savoir que les plus grandes stars de la variété française de tous les temps s'appellent tous Michel. D'accord. Ouais, ouais. Bon, Michel, bah, quoi? Là, celui-là, il s'appelle Paul Nareff. Sardou? Non, c'est pas Sardou, c'est pas Paul Nareff. Ouais. C'est pas Berger. Michel. Allez-y, je vous écoute. Les housses de raquettes sont dans la partie, sont dans le jeu. Michel, comment? Michel. Alors celui-là, c'était pour une musique d'un film de Pierre Richard. Michel Mabel. La meilleure réponse, c'était Michel Mabel, hein, ce soir. Michel Mabel. C'est pas Gérard Lenormand. Non. Puisqu'il s'appelle Gérard. Ah. Bah, c'est Michel Fugain. Ah, bah oui, bien sûr, Michel Fugain. Qu'on est con. Qui c'est qui est plus gentil? C'est les gentils. Qui c'est les plus méchants? C'est les méchants. C'était pour un film de Pierre Richard. S'il te plaît. Je sais tout, mais je sais rien, mais je dirai tout. Voilà. Je crois que je vais arrêter de faire de la radio. Tu vas juste pas lancer des disques. Alors envoie ton disque. Qui c'est qui est très gentil? Très gentil. Qui c'est qui est très méchant? Très méchant. Qui a tous les premiers prix? Très gentil. Qui roupille au dernier rang? Très méchant. Qui fait des économies? Très gentil. Son argent, les méchants. Qui c'est qui vend des fusils? Les gentils. Qui c'est qui se retrouve devant? Les méchants. C'est comme un guignol spectacle permanent. Et vive l'école et vive le régiment. Tout le monde en rigole et tout le monde. Pour qui t'as de l'antipathie? Les gentils. Pour qui t'as un gros penchant? Les méchants. C'est travail, famille, patrie. Les gentils. C'est la retraite à 20 ans. Les méchants. Samedi. Les gentils. Ils font ça n'importe quand. Les méchants. Ils crèveront le cul béni. Les gentils. Ils crèveront le cœur content. Les méchants. Les gentils méchants. Voilà, et c'est sur ce titre que les housses de raquettes disent au revoir. Donc voilà. Bye bye. Au revoir les housses de raquettes, merci d'être passé. Salut, au revoir. Salut. Et à très bientôt. À très très bientôt sur sur ma radio. On fait ça sur ma radio, des stars de rock qui viennent dire à bientôt sur ma radio. Eh ouais, même nous on fait ça. Waouh. Bon d'accord. Je propose Striptease pour tous. Et le meilleur moyen de faire Striptease pour tous, c'est d'envoyer l'hymne officiel du Striptease. Hein. C'est celui-là. Guillaume, je sais que t'es un roi du striptease, vas-y, lâche-toi. Michel Vedette qui est encore pendant 10 minutes sur ma radio et qui adore passer ses titres très bizarres. Et on écoutait tout de suite la BO de Coco Boy. Non, pas du tout, l'hymne. L'hymne de la Playmate. L'hymne de la Playmate. Qui permet en toutes circonstances de faire un striptease. Voilà, alors toutes les filles qui nous écoutent, faites des striptease, faites-nous rêver, envoyez-nous des photos de vous en train de faire un striptease sur Sélection Musique en un seul mot avec un C à la fin, @orange.fr. Et les garçons aussi. Hein. Non. Ah, d'accord. C'est pas parce que t'es une tafiole que moi je suis obligé. Hein. Ah, d'accord, je vais traiter de tafiole devant tout le monde, alors c'est beau. Bon, alors juste derrière, puisque tu parlais de Michel Polnareff, je vais pouvoir transitionner sur Michel Polnareff. Ouais. Parle un peu plus près du micro, mon cher. Tous les oiseaux, tous les bateaux, tous les zigotos. Moi, j'adore Michel Polnareff, ouais. Tu sais. Bon, c'est devenu un sarkoziste notoire, mais j'adore Michel Polnareff. Tu n'es pas sarkoziste toi-même ? Je ne dirais pas. C'est une radio apolitique. Tout à fait. Et familiale. Et familiale. Internationale. Bien sûr. Et qui accueille tout le monde et n'importe qui. Ouais. Par exemple, moi. Exactement, surtout n'importe qui. Tous les oiseaux, tous les bateaux ont eu leur chance d'être en disco. C'est voilà. Qu'est-ce que je parle bien, dis donc. Tu parles bien, mais d'une façon très molle. Très molle. Très molle. Tu es molle. Je suis très molle. Tu es très molle. Mais oui, et ça se ressent dans l'audimat. Hein. Tous les oiseaux, tous les bateaux, un petit love disco de version. C'est une reprise. Hein. C'est une reprise, ouais. Disco. À tous ceux qui pensent que, c'est Jane Birkin, ce n'est pas Jane Birkin, hein, que les gens se rassurent. C'est une noire, hein, une femme à caractère négroïde, dont Michel n'a pas le nom. C'est Nicole quelque chose. Ici. Nicole quelque chose, donc démerdez-vous avec ça. Hein. J'ai trouvé, il a voté Le Pen, Joachim. Je ne répondrai même pas à cette attaque parce que je n'ai pas voté Le Pen. Enfin, en même temps, après tout, je m'en fous de ce qu'on dit. Mais tu ne connais même pas le nom de cette chanteuse. C'est dramatique quand même de ne pas connaître le nom de cette chanteuse. Ça va me revenir. Ouais, réfléchis bien. Il n'y a même plus de Haribo. Même les Rolling Stones faisaient du disco. D'accord, mais est-ce que Leslie, ce soir, qui nous écoute, qui elle-même rêvait d'être une Coco Girl, parce qu'elle nous l'a dit dans son mail, elle rêvait surtout d'être infirmière disco. Elle rêvait d'être infirmière disco. Et grâce à notre club de danse, elle a pu le devenir l'année dernière. Voilà. Et donc, demain soir, elle sera là, elle dansera demain soir. Tout à fait. Voilà, alors si vous rêvez de voir la dernière Coco Girl existante, soyez demain soir au Baron. Automatic Body Dancing Club à 20h au Baron. Voilà, il y aura Leslie, l'authentique Coco Girl. On ne fera pas de slow pouilleux cette semaine, les garçons, ne vous inquiétez pas. Voilà. Donc on continue à écouter la playlist de Michel Vedette qui nous délecte de ses galettes. Tu vois comment je rime ce soir, je rime à fond. Ouais, parce que vous avez mis du rap juste avant, c'est ça? On a mis pas mal de rap. C'est important la rime dans le rap. La rime est importante dans le rap, ouais. Mais quelle qu'elle soit, hein, même dans n'importe quelle chanson. Hein, tu écoutes toutes les chansons, il y a des rimes à la fin. Dans Mozart, il y a du rime aussi. C'est que t'es con. Michel, j'ai envie de te frapper. Tiens, je te frappe. Voilà, et je t'ai frappé. Fais gaffe parce que je remets Dominique Valera. Bon, alors... tous ces titres sont dédicacés et forcément annoncent une soirée magnifique demain soir à l'Automatic Body Dancing Club au Baron que Michel Vedette anime. Et non, voilà, je gourouise exactement. Tu gourouises, tu donnes des... Bon, je te permets de redécouvrir ton corps, finalement, c'est un peu ça, finalement, quoi, je suis fort. Ouais. Non ? J'ai vu la Léos de raquette. Vous aviez un niveau de danse assez médiocre hein, avant que j'arrive. Puis bon, bah, je me suis mis devant vous. Je vous ai montré comment il fallait faire. Et tout de suite, j'ai vu votre visage s'illuminer. Grâce à toi, Léos de raquette vont faire une meilleure vidéo. Ouais, peut-être. Voilà. Bien sûr. Michel Vedette, tu nous gâtes, j'ai envie de dire. Monte le pinard. Le son, je veux dire. Le son, il est monté. Le son, il est là. Et là, c'est quoi ? Ennio Morricone. Bien sûr. Folie. Une tuerie. Une tuerie. Comme on dit dans le milieu. Autorisé, bien sûr. C'est Michel Vedette. J'ai envie de dire. C'est Michel Vedette ce soir. Ah non, je l'ai dit, j'ai perdu. Merde. C'est une des rares chansons où on utilise avec excellence le triangle. C'est cet instrument bizarre, trop peu connu. Non, en fait, t'as raté, il y avait un solo de triangle. C'est très rare, un solo de triangle dans un morceau. On parle d'ivresse, hein. Moi je suis ivre. Il paraît que je dis, j'ai envie de dire. Chacun ses tics, hein. Ouais, toi t'as pas de tics verbaux. Non mais ça me brûle la tête comme ça et je rigole nerveusement. Ouais, mais t'as pas trop rigolé ce soir. Non, j'ai passé une vraie journée de géniale. Merde, de merde. Ouais, ce qu'on appelle un merdeudi. Oh merde, oh putain. Bon, donc c'est tu Michel... Tu connais pas le concept du merdeudi? Non. C'est Jean-Paul Starr qui me l'a appris. Ah ben voilà. Et Michel Vedette qui va nous passer encore un disque après ça, hein, parce que c'est la fin de son émission. On le regrette, on est triste, mais vous le retrouvez de manière hebdomadaire sur ma radio, bien sûr. Michel Vedette qui est parmi nous toutes les semaines. On est ravis parce qu'il nous fait découvrir sa musique de Derrière les Fagots. Michel Vedette. Il faut être tolérant. Et il faut être tolérant. Et vous êtes tolérants, tous les auditeurs, vous êtes bien tolérants. Michel Vedette qui nous fait découvrir ses galettes de sa bibliothèque. Et oui, je rime ce soir, je ne fais que rimer. Ouais, tu peux fermer ta gueule un peu aussi. Ouais, d'accord. Alors Michel, tu vas nous gâter, tu vas nous offrir un cadeau maintenant. Ouais. Alors c'est quoi ce cadeau? Bah, c'est un morceau que j'avais mis dans mon jukebox Wurlitzer Atlanta 2 de 1960. Ah parce que t'as un jukebox toi? 16, j'en ai deux. Putain tu te la pètes, qu'est-ce que tu te la pètes? Ouais, bah, j'en ai marre d'avoir des gens qui se la pètent chez moi, entre Thomas et toi. Mais en fait ils sont tellement chez Petit et moi qui sont tous les deux chez des potes. Et donc à chaque fois qu'on mettait ce morceau, bah, tous les garçons ça les rendait barge. Ouais. Et ils avaient envie de faire de l'amour avec leur corps. Pas avec les autres, mais juste avec le leur. S'il y avait une fille qui passait, ce qui arrive hein, quand même, parce que c'était des soirées de jukebox, attire beaucoup les filles. Ouais, les filles, c'est ça. Voilà, filles. J'avais oublié le terme. Ça fait longtemps que t'en as pas rencontré. Oh, putain, je vous ai même plus. Tu sais qu'on redevient puceau au bout de 6 mois. Ouais. Vierge, tu veux dire puceau. Ça y est, ça marche. Je vois qu'il est en train de faire l'amour avec son corps. Comme il n'y a pas de femme, il fait avec son corps. C'est la trompette, ça. Fais gaffe, la trompette, c'est mortel. Vas-y, claque dans tes mains. C'était le grand, l'immense Michel Magic Vedette. Vedette, c'est Vedette. Voilà, c'était l'immense, le magnifique, le Magic Vedette, Michel Magic Vedette sur ma radio ouais. Avec son dernier titre qui s'intitulait Rise par Neil Rogers. Neil Rogers. Parce que Herb Palbert en a fait aussi une version, mais celle de Neil Rogers est tellement au-dessus. Voilà. Donc on remercie Michel. Il est là toutes les semaines, bien sûr, dans son émission hebdomadaire. Michel Vedette passe ses galettes, tout droit sorti de sa bibliothèque. Discothèque. La discothèque. Bibliothèque, c'est pour les bouquins. C'est vrai, de sa discothèque. Donc voilà, je vous pornothèque, laisse. C'est pour les pornos. Pornothèque, c'est pour les pornos. J'ai une belle pornothèque aussi. Voilà. Je vous laisse avec. Ma sonothèque. C'est pour les sourds, ça, non ? C'est pour les sourds. Voilà, qui va vous ravir. Quand ils ont eu trop une pornothèque. Voilà, qui n'ont pas trop de pornothèque. Si, qui ont trop pornothéqué. Ah bon, ça rend c'est ça. Qui va vous ravir donc toute la nuit, parce que maintenant, ma radio, c'est 24h sur 24. Ah ouais ? Donc, bien sûr. Oh pétard. Ouais, c'est 24h sur 24. Tu peux te connecter quand tu veux. En revanche, le live, c'est uniquement les soirs à 19h. Voilà. Pourquoi moi j'ai été décalé de 19h à 20h30 c'est exceptionnel. Ah, c'est exceptionnel. C'est exceptionnel parce que le matos ne pouvait pas faire autrement. D'accord. Je vous rappelle que demain soir, 19h, il y a Fanny. Non, tu peux laisser parce que derrière j'ai calé un petit morceau du Tal Disco. Et bon, je laisse. Ça fait toujours du bien où ça bien sûr. Et demain soir, je vous rappelle qu'il y a Fanny Lullabies qui passe à 19h un titre. Ah, il est bien ce titre-là. Je passe que j'ai trucs bien, moi. Bah, bien sûr. Je vous rappelle que demain soir, 19h, il y a Fanny Lullabies qui vient sur ma radio passer un bon nombre de titres électro, du pur, du dur. Et là, on va suer sa race, on va danser dans tous les sens. on va aussi faire aller faire l'amour et on va aussi aller demain soir à 20h au Baron danser et suer sur Michel Vedette qui donne son cours. Voilà, je pense que la nouvelle chorégraphie sera pratiquement pas prête, hein, donc on fera des anciennes chorégraphies. Des anciennes chorégraphies. Oui, j'avais préparé une chorégraphie spéciale pour faire peur. Hein. Bien sûr. Ça s'appelait le Lorrible, mais je crois que ça sera pas prêt malheureusement. Ça sera pas prêt malheureusement. En revanche, n'oubliez pas que demain soir, il y a au Showcase l'incroyable soirée, la soirée qui fait peur. Alors, parce que demain soir, c'est une soirée qui fait peur. Et quand je voudrais danser 1500 personnes sur le Gabba Jump, ça va faire peur. Ouais, ça va faire peur. Voilà, et donc vu que ça fait peur, parce que c'est quelque chose qui a été importé des Américains, ça fait peur. C'est l'Halloween demain soir. Quelque chose qui ne rime pas du tout en français, ça veut rien dire pour nous. Alors que Mardi Gras, ça sonne avec des tas de trucs. Hein. Bien sûr, et n'oubliez pas que jeudi, c'est férié pour pas mal de personnes, pas pour d'autres, mais pour pas mal de personnes. Donc, demain soir au Showcase, venez, parce que demain soir, c'est la soirée qui fait peur. Joachim est un professionnel du micro. Bravo, Joachim. Merci à toi, Michel. On va écouter tout de suite la suite avec ma sélection musicale. Et je vous retrouve demain soir à 19h avec Fanny Lullabies pour un set électro. Qui dommage, va envoyer. Moi, je n'ai pas de vidéo parce que Mimi. Elle est Mimi, Fanny, elle est très mignonne. Allez, Michel, merci et à la semaine prochaine. Et bisous. Allez, ciao. Ma radio. Ça me relaxe complètement. Ma radio. Ça me déstresse. Oh là là. Ma radio. Je n'ai jamais vu un truc aussi mal fait.